Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et selon mes infiltrateurs dans le building de la SQ, je suis le hottest babe de toutes les fiches des militants de 2012 qu'ils ont gardées. Ouh! Et moi c'est Jess, toujours dans l'ordure rose, grande bipolaire, et je pense que la vie c'est comme un strap-on, c'est toujours dur. Et aujourd'hui, on est pas tout seul? Oh non, qu'on est pas tout seul. On est avec qui? On est avec les étoiles, en fait, puis on est avec un astrologue qui va vous dire à quel point les étoiles sont de votre bord, les filles. Guillaume Mansour, aujourd'hui. Allô? Spécialiste en astrologie. C'est ce qu'on dit. Chroniqueur. On fait ça. Dans Urbania. Oui, entre autres. Entre autres? Oui. Ah, j'ai mal fait mes recherches. Drop him. Non, c'est juste dans Urbania. Ah! Yes! Fait comment ça va? Et musicien? Musicien. Et aussi plein d'autres choses. Okay. Aussi plein d'autres affaires. Partout. Mais je vous garde un punch pour la fin. Oh sure. My God, girl. Vous allez suer, vous allez capoter. Comment ça va dans la pièce? Très mal. Oh, oui, non, c'est vrai. Toutes mes planètes natales sont rétrogrades. Je me peux plus. Oh. Tout en rétrograde en même temps. Vivre est une douleur. Fait que... Oui. Ben, la vie, c'est comme un strap-on, c'est toujours dur. C'est ça. Alors aujourd'hui, on vous parle d'astrologie. Vous l'aurez deviné. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? Puis surtout, pourquoi les queers capotent là-dessus? Ah. On vous avertit par contre, c'est pas un épisode d'introduction à l'astrologie. On va vraiment. Faut connaître ses planètes. C'est ça. C'est du gros jasage d'astrologie comme phénomène culturel. Fait qu'on va quand même vous plugger quelques pages de mimes à suivre si vous êtes pas encore dans ce beau et grand train de l'astrologie qui se dirige tout droit vers le futur et plus loin encore. Fait que voilà. Ouais. Mais vous avez le droit de pas être astral, puis vous allez quand même aimer l'épisode, je pense. Ah, c'est sûr. Clairement. C'est sûr et certain. Tout à fait. Il y a rien qu'on fait qui est pas bon. C'est ça. C'est ça. Pesez pas stop, keep going. Fait que nous, on s'en va demander à tous les baristas de la rue Saint-Laurent, c'est quoi leur signe, jusqu'à temps qu'on rencontre un Verseau. Question que notre café soit bien, bien spécial, mais quand même détaché puis chill, puis qui pourrait même nous inspirer une théorie du complot. On vous revient dans 30 secondes. On a finalement trouvé une barista Verseau avec des tatous d'en face. Le café était écœurant. Yes! Fait que dans le fond, on va starter avec la question qui brûle les lèvres de tous et toutes. Allô? Pourquoi les queers sont vraiment into l'astrologie selon vous? Oui, mais j'ai une grosse théorie, en fait. Mm-hmm. Je pense que les personnes queer aiment les étiquettes plus qu'elles ne se l'avouent. Mais ça, là, moi, c'est ça, l'affaire. Oui. C'est que les queer vivent pour, genre, dénaturaliser puis, genre, débiologiser. Briser les frontières. Tout, briser les frontières. Mais l'astrologie, par contre, le moment où t'es né détermine tellement de choses dans ta personnalité. Je trouve ça malade. C'est vrai qu'on aime les labels. On aime les labels, mais on aime aussi les labels. On aime jouer, s'amuser avec les labels. Puis je pense que les labels de l'astrologie, c'est des labels très mous. Oui. On peut vraiment, sont soft. T'sais, on peut vraiment comme soudainement s'en foutre qu'on soit Verseau puis qu'on ait notre lune en poisson ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant avec les labels de l'astrologie, c'est qu'ils sont au-delà de la binarité, vraiment. Ils sont trop fucked up pour être juste classés selon une façon binaire. Oui. Je veux dire, ah, t'es-tu un signe de feu ou t'es-tu un signe d'air? T'sais, mais il y a une conversation qui se passe à l'extérieur du genre qui est vraiment intéressante puis qui est vraiment inclusive, je crois. Oui, parce que quand on parle d'astrologie, là, c'est pas le petit 20 mots à la fin du journal métro. Là. Non, non. Les gens mélangent beaucoup astrologie et horoscope. Oui. Hein? Il y a beaucoup de gens, quand ils disent astrologie, ils font comme, mais là, ton horoscope, pas vrai, ça, dans le journal, en tout cas, moi, j'ai lu mon horoscope. C'est ça, tu sais. Mais oui, effectivement. Puis je pense qu'il y a aussi un truc de l'astrologie. C'est souvent quelque chose qui est bien dismissed par les hommes straight parce que justement, c'est un langage d'émotion, surtout. Puis beaucoup introspectif. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose pourquoi les femmes puis les queers s'approprient ce langage-là aussi. Ça fait pleurer le monde, l'astrologie. Of course. Oh my God. Ouais. Bitch, I'm a cancer. I know what crying's about. Been there. I'm a Virgo. Je sais ce que c'est faire pleurer le monde. Fait que maintenant qu'on est là-dessus, à quoi ça vous sert, vous, personnellement, l'astrologie? Puis à quelle fin vous l'utilisez, soit avec vous-même, soit avec les autres? Moi, je vais vous entendre. Ben moi, en tant que vierge, j'utilise l'astrologie pour justifier tous mes défauts de marde. Ah! Ouais, OK. OK. Puis... Okay. Vierge ascendant Lion, fait que non seulement je les justifie, mais je les justifie hein, avec grand moyen. Je suis très show-off. En grande pompe? Oui, en grande pompe. Moi, vraiment, le fait que je suis anal retentive about absolutely everything, je show it off. Ah, t'es un esti de bel échantillon de vierge quand même. Quand même. Ouais. Puis, en tout cas, on va en reparler plus tard, mais il y a... pas pour rien que je crois un peu à l'astrologie, c'est que je pense que je suis quintessential Virgo. Ouais. Moi, full disclosure, j'ai été élevé, parce que oui, j'ai des mères lesbiennes, mais souvent les queers sont encore plus impressionnés par le fait que les deux sont vierges. Puis que, seriously, okay. Genre, been raised by Virgo parents, genre, tu sais, les vierges sont justement super anal rétentif, super comme exigeants, mm-hmm. puis ils sont pas des gens nécessairement comme faciles à vivre, puis tout le monde est comme, damn, genre, t'as survécu ça, puis je suis comme, ouais, tu sais, c'était comme le running gag à ma job que, genre, j'étais bon avec les gens difficiles, juste parce que mes parents sont vierges et très demandants. J'ai pratiqué. Ouais. Ben c'est ça, mais moi, ce que je trouve cool en fait de l'astrologie, c'est que ça permet de beaucoup positionner les relations sociales, puis oui. Entre les gens, social. Les dynamiques, c'est ça. Puis je trouve que ça ouvre des conversations que t'aurais pas naturellement aussi rapidement, genre... Oui. On oublie le KY, c'est l'astrologie le meilleur lubrifiant. Oui. Ouais, oui. Ah, yo, quand quelqu'un maîtrise un langage astrologique, tu peux comme parler de quitter comment tu vis les choses, puis comment tu, genre, te vois dans le monde tellement plus rapidement. Oui, ne pas parler du tout parce que tu crois pas à ça. Oui, c'est ça qui est très drôle. Mais moi, personnellement, c'est drôle parce que je suis dans une période de ma vie où je me distancie beaucoup de l'astrologie. Il y a une raison à ça, en fait. J'ai été un peu l'astrologue, tu sais, le go-to astrologue dans ma... dans mon sac d'amis, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais juste tout simplement pas un thérapeute. Mais il y a ça, oui, oui, oui. Tu sais, malheureusement, c'est comme, il y a un côté need, il y a un côté besoin qui vient avec l'astrologie, puis je comprends ça parce que moi-même qui prends une distance à l'astrologie, je vais quand même sur mon blog préféré de Chani Nicolas, je fais du name plugging, Chani Nicolas, on l'adore, puis je lis mon horoscope puis je braille. Fait que tu sais, je peux comprendre, mais moi, je ne peux pas avoir cette autorité-là. Moi, dans un party hétérosexuel, là, je me ramasse tout le temps juste assis quelque part, puis les straights prennent chacun leur tour sa chaise à côté de moi pour se faire dire leur chat. Tout le temps. C'est tout le temps. Mais j'ai rien d'autre à leur dire. Ils connaissent pas RuPaul's Drag Race. Je sais pas de quoi leur parler. Parle de sport? Girl. De quoi? Girl. How do you spell that? Je pense que c'est S-P-A-U-R-E-S. OK, fait que sport. On est trois fifs visiblement fans d'astrologie autour de cette table. Donc, je me demande, c'est quand vous que vous êtes tombé dans l'astrologie? Qu'est-ce qui vous a amené là? Moi, c'est un autre fif qui m'a introduit. Ben une oui. personne très importante dans ma vie que je considère un peu comme un mentor qui s'appelle Thomas Leblanc. Ah. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. C'est votre compétiteur, en fait, avec Chosen Compétiteur, Family. Compétiteur, excuse-moi. On est vraiment meilleurs. Ah, oh, c'est vrai, c'est bon. Il vous arrive pas à la cheville. Non, c'est pas vrai. C'est notre babe et notre allié. Mais, oui, and I look it up a lot. Mais là, je sais pas, je suis en train de faire de le outer, mais peut-être qu'on sait pas que publiquement, c'est vraiment un fan d'astrologie, mais c'est vraiment un fan d'astrologie. Ben oui, leur présentation de Chosen Family, c'était We're both triple water signs. Oui, oui, c'est vrai. C'est okay, des c'est triple bon. Water signs. Les deux, Trana Wintour et Thomas Leblanc. Très dur à battre. I live for that shit. Et vous? Oh my god, charge au complet, on y va là. Non, comment t'as rentré dans l'astrologie? Ok, j'étais quand même, je suis pas un triple water sign quand même. Pour les gens qui nous écoutent, c'est Charlie qui a fait le plan de conversation, ça paraît. Hein? Allô? Ok, moi en fait, c'est beaucoup en voyageant aux States puis en rencontrant des queer anglos, parce que les anglos sont a lot further into astrology. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des dynamiques culturelles aussi, de comme, tu sais, beaucoup au Brésil puis au Mexique aussi, les gens comme... sont beaucoup into l'astrologie, vraiment plus que ici au Québec dans l'espace francophone. Fait que c'est beaucoup, surtout en voyageant puis en rencontrant beaucoup de gens comme en très peu de temps qui sont tout le temps comme, OK, c'est quoi ton signe, qui avaient ces conversations-là autour de moi. Fait que là, j'ai commencé à me faire comme une espèce de des repères en astrologie. Puis c'était justement un lubrifiant social super utile. Oh, oui, définitivement. Moi, c'est vraiment con parce que c'est beaucoup Charlie en fait qui m'a introduit à l'astrologie parce qu'il en parlait beaucoup. Mais c'est vraiment parce que à un moment donné, on l'a dit un peu au début de l'émission, il y a horoscope, il y a astrologie, puis je lisais les horoscopes, je trouvais ça tellement insignifiant, c'est tout adressé à des middle-aged white women, là, ça n'a aucun bon sens. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment connu des gens qui m'ont dit c'était quoi un vierge. Puis là, j'ai fait « Wow, I feel seen. Je me sens tout nu, là. J'ai l'impression qu'on vient de me décrire de A à Z. Puis là, j'ai fait comme « OK, I might be into it. » Puis là, j'ai commencé à regarder un petit peu plus, à me renseigner, à demander à tout le monde c'était quoi son signe, ben oui. son signe de lune, son signe de sel. Moi, je suis le gardien de la mémoire de tout le monde. Hein. Moi, j'ai des amis qui me textent, qui font comme « C'est quoi ma lune déjà? » Oui. Je suis assez cute. Ou tu te rappelles pas du nom d'une personne, mais tu te rappelles de son signe. Oh my God, I've been there. Oui, oh. oui. Puis les gens sont impressionnés. Puis tout ce temps-là, t'es comme « Je suis content parce qu'elle oublié que j'ai oublié son nom. Oui. Ouais. Mais je dirais par contre que je suis la personne qui en connaît le moins à cette table en ce moment. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Peut-être, oui. Ça, c'est Let's sûr. J'en suis déjà convaincu. Mais l'intuition, des fois. Ouais. Ouh. C'est vrai. OK, fait que là, maintenant, genre, la question qui tue, c'est quoi vos signes soleil, puis quelle relation avez-vous par rapport à lui. Ben, nous autres, on s'est outés comme cancer et vierge. Oui. Guillaume, ouais. c'est le moment où tu dois le dire au je public. Je suis bélier. That's it. Bon, je suis ascendant scorpion, mais on va juste se concentrer sur le bélier. Okay. On reconnaît les béliers à leur calendrier, leur horaire. Puis les béliers s'overbook, les béliers travaillent tout le temps. C'est un signe qui ne peut pas arrêter de faire, ouais, et d'être en action. Fait que, tu sais, j'arrive de comme un bon... En fait, c'est deux fifs le matin, mais j'arrive d'un chiffre de 12 heures de travail. Ouais. Quand même, faut le faire. Woo, bon et, matin. Et j'ai juste le goût d'en faire plus encore. Oh God. Oui, ben j'ai été élevé par une bélier. Mon meilleur ami, c'est un bélier. Je confirme ça. Il y a une hyperactivité. Moi, les signes de feu m'épuisent. En tant que signe d'eau, là, moi, je suis juste comme... Ouais, j'ai entendu ça, mais j'ai besoin d'une sieste. Heureusement que j'ai un ascendant d'eau quand même. Ça m'apaise. Moi, j'en ai parlé beaucoup, mais mon sun sign, mon signe soleil, c'est vierge. Ça m'a par contre, parce que là j'ai beaucoup parlé que je m'en servais pour justifier beaucoup de mes mauvais côtés, bon, mm-hmm, c'est un peu à la blague et c'est surtout très vrai, mais ça m'a aidé à me comprendre, puis à comprendre justement certains travers, puis à comprendre qu'il y a des choses, tu sais, comme si vous regardez des pages de memes sur les signes, genre vous allez sûrement voir le mot silence treatment. Oh. Additionné avec le mot Virgo, vierge. Ouais, ouais. J'ai fait ça une couple de fois, puis à un moment donné, j'ai fait comme, ah ouais, les vierges font ça, c'est pas tant nice. Puis j'ai comme pris conscience que je faisais ça. Non, c'est bien l'introspection. Fait que c'est un peu ça, mais ben, c'est ça. Moi, mon rapport à mon sun sign, ça a été beaucoup d'introspection. Puis après ça, ma lune et mon ascendant, ça m'a aidé vraiment à faire comme, ah, c'est vrai que j'étais un petit peu plus comme ça que je pensais. Mmh. Il y a un mime qui court que c'est, je crois pas à l'astrologie, sauf quand mon ex vierge me laissait parce qu'elle, mes pipis dilataient pas assez quand je le regardais. Oh my God, I've seen that. Oui. God. Si vous parlez avec un vierge, make sure que vos pipis dilatent. Très important. Moi, étant cancer et un signe d'eau, j'ai eu beaucoup de difficultés à comme relate avec mon signe soleil. Je suis aussi ascendant Verseau, puis comme ça me va quand même très bien. Mais il y a le truc aussi où avec les signes d'eau, puis surtout les cancers qui sont comme assez complexes, guarded, avec genre une grosse carapace solide. En plus, avec l'ascendant Verseau qui est super détaché puis qui présente une image différente, j'avais de la misère à comprendre d'où ça venait. Puis aussi comme émotion, masculinité ne font pas nécessairement bon ménage dans le traitement de tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, cette espèce de langage émotionnel-là, puis de comprendre aussi que non, je suis vraiment cancer, je suis pas spécial, je suis pas vraiment plus ascendant Verseau, vraiment plus ma lune en Capricorne, je suis effectivement cancer, puis accepter aussi mon côté soft boy emotional. Oui. OK. Nous autres, là-dessus, on va se prendre une petite pause. On va aller sur Bernard trouver un barista Lyon pour lui déverser une pluie de compliments dans l'espoir d'avoir nos cafés gratis ou bien d'être featured dans une de ses stories sur Instagram, et on vous revient dans 30 secondes. On a gagné 50 followers chacune depuis la Barista Lyon a repost les stories qu'on a pris d'elle. C'était malade. Incroyable. T'es écœurant. Alors, on est toujours sur l'astrologie et on est toujours en train d'en parler. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre placement? Là, pour les gens qui nous écoutent, real quick, placement, c'est t'as ton signe solaire, lunaire, puis t'as ton ascendant, les deux. Puis t'as aussi plein de planètes selon il était sous quel signe quand t'es né. Puis même des planétoïdes, c'est-tu pas compliqué rien qu'un peu? Oui, ça peut toujours être compliqué. Tu veux acheter des layers, il y a les maisons aussi. Les maisons, je suis pas encore entré là-dedans, moi. C'est rushant, les maisons. Ça va venir. Donc c'est ça, ma question, c'est un peu, c'est quoi votre placement chouchou, celui qui vous révèle le plus avec quelqu'un? Puis étant donné que c'est moi qui parle, je vais commencer avec moi. Ah ouais. J'ai jamais fait ça, je me le permets. Si c'est quelqu'un que je connais pas, je demande sa lune. Moi, la lune, là, c'est mon préf. Pour c'est quelqu'un que gateway, je connais pas, là. C'est le gateway vers tout le reste. Je pense. Je suis d'accord avec vous. La lune, c'est un bon révélateur. La lune, c'est comme le masque tombe. Oui, oui, c'est ça. C'est comme, ah, ben dans le fond, t'es vraiment ça. Mais moi, ce que j'aime, moi, ma lune est en Capricorne. Puis quand je rencontre des Capricornes, c'est qu'ils disent tout le temps, tout haut, ce que moi, je sais, mais que je ne sais pas nommer. Parce que c'est ma lune, c'est mon subconscient, c'est mon intérieur, c'est mon. Tu sais. Fait que genre. Quand tu vois des Capricornes, t'es comme, ah, c'est ça, je voulais dire. Non, c'est ça. Ou quand les gens qui ont des lunes en Cancer, genre, je suis comme highly triggering for them. Parce que moi, je suis juste comme, j'existe de cette manière-là. Puis ils sont comme, non, c'est mon intérieur. très intéressant. Moi, j'ai préparé quelque chose pour ta lune en Capricorne, d'ailleurs, tout à l'heure, on va en reparler. Mais moi, mon placement, en fait, c'est pas nécessairement un placement précis préféré, mais j'aime bien regarder les gens, leur relation entre leur Vénus, leur Mars et leur Mercure. Parce souvent, il y a deux de ces planètes-là qui s'accoquinent dans le même signe. Mm-hmm. Puis souvent, c'est comme leur carrière ou leur vie, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai en poisson, j'ai beaucoup de trucs en poisson, mais j'ai mon Vénus et mon Mercure qui sont en poisson ensemble. Et ça, c'est tellement la musique. Non, mais c'est la musique. Oui. C'est la musique. Le Vénus, c'est comme la beauté, c'est l'esthétique. Le Mercure, c'est la communication, l'expression. C'est en poisson. poisson, fait que c'est comme le rêve, l'intuition, on est dans la musique. Je suis comme, ah, oh, je suis un musicien, j'ai mon Vénus et mon Mercure en poisson. T'es tellement soft comme bélier. Oui, il y a très, très d'eau, beaucoup d'eau. C'est, moi, je suis un jacuzzi, en fait. Je suis de l'eau chaude. Yes! C'est ça. OK, parfait. Je suis de l'eau chaude. Moi, j'avoue que Mercure, c'est tout le temps super révélateur. Puis j'aime beaucoup les gens que leur Mercure est pas le même que leur signe soleil. Parce qu'en fait, moi, j'ai appris que Mercure, tu peux seulement l'avoir soit dans ton signe soleil, soit le signe avant, soit le signe après. Puis je trouve ça, je trouve ça intéressant, les gens qui ont comme un Mercure différent de leur signe soleil, parce que ça fait aussi une manière d'exprimer puis de dire les choses qui est différente que, genre, leur actual... C'est que ça l'aille, puis dominance. On est des êtres complexes. Oui, et surtout en astrologie, on s'en rend très bien compte. Est-ce que vous êtes petty avec votre astrologie? Dans le fond, est-ce qu'il y a... 100%. Je suis tellement petty, bitch. Est-ce qu'il y a des placements avec lesquels vous êtes réticents avant même de connaître la personne? 100%. Mais ça, c'est vraiment une question d'historique. C'est juste le signe de vos ex. C'est les signes que vous voulez plus fréquenter. C'est vraiment juste ça, on va se l'avouer. Mais comme... J'ai pas d'ex. Oh, ouh! Intéressant. La terre entière est à tes mains, écoute. Mais tu sais, oui, je peux aimer tous les signes. Il y en a que j'aime pas. T'as aucun trauma. Mais tu sais, non, mais moi, il y a des trucs où je suis juste comme, il y a des récurrences que je suis juste comme, listen, it be like that. Ouais. Genre, moi, surtout les signes d'air, en fait. Genre, tu sais, moi, je suis super. C'est-à-dire que, comme oui, j'ai un ascendant verso, mais tu sais, c'est une façade, c'est ma personne sociale, mais tu sais, c'est comment je navigue le monde, mais tu sais, c'est pas mon fort intérieur, tu sais. Okay. Puis je suis très cancer, lune en capricorne. Moi, je m'excuse. Faut que je sache ce avec quoi je deal. Puis les signes d'air sont trop changeants. Puis trop. D'où le nom de l'épisode. Oui. Tout le monde déteste les Gémeaux et en fait, c'est le signe. Non, mais honnêtement, non. Moi, j'ai des super bons amis Gémeaux, mais ils ont soit des placements de lune en eau ou en terre. Mais ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie des signes d'air, c'est que c'est souvent des low maintenance friendships, que genre, t'as pas besoin de les voir si intensément que ça. Mais à chaque fois que tu les vois, c'est comme si tu les. C'est comme si tu vois, c'est exactement comme ça que j'ai perdu mes amis Gémeaux. Mais c'est ça, mais moi, j'avoue que c'est ça, étant qui je suis, j'ai plus de discuter avec les placements d'air, moins avec les versos, parce que I vibe with them avec mon ascendant. Oui. Mais puis sinon, moi, je trouve que des placements en balance, c'est l'hostie d'enfer. Moi, du monde qui ont de la misère à prendre des décisions, qui pèsent le pour et le contre. J'ai une lune en Capricorne, moi, je suis comme super cutthroat, genre, on prend les décisions comme... Il y a une autre raison pour laquelle on déteste les balances, c'est qu'ils ont la merde au cul, ils sont hyper chanceux, aussi. Ils nous font chier, toute leur tombe comme du ciel. Ouais. Mais que c'est pas trop de leur faute, c'est vraiment juste leur karma. On devrait quand même les spécifier. Les Sagittaires aussi sont comme ça. Moi, je suis comme, how do you figure out everything in the end? Genre, tu sais, puis ils sont messy, puis au final, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps par marché, c'est ça qui nous fait chier. Oh non! Mais c'est vrai que les Sagittaires aussi, je suis juste comme, wow, c'est trop fiery, c'est trop comme n'importe quoi. Moi, je suis juste comme, tu sais, ça aussi, moi, je suis juste comme, great for you. Mais en même temps, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes Gémeaux, vous pouvez venir me dire bonjour, là, je vais pas vous bitch slap. Mais oui. Non, on veut juste parler dans votre dos, c'est tout. Moi, j'aime ça, poke fun at people avec ça, mais tu sais, c'est vrai. Quand je dis que je suis petty, tu sais, c'est pas vrai là, que je vais dismiss des gens ou que je vais comme pas. Pas m'intéresser à quelqu'un à cause de ses... Moi, par exemple, oui, c'est vrai. Tu me dis que t'es Gémeaux, je vais observer la situation. Moi, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je sais quels signes sont pas supposés bien s'entendre avec mon signe. Par exemple, les cancers, il y a une grosse friction avec les béliers. Fait que je fais exprès pour être hyper tendre avec tous les signes qui sont... Mm-hmm. Les cancers, je suis comme, faut que je devienne ami avec les cancers. Ils vont m'apprendre l'écoute, ils vont m'apprendre la patience. Mais t'as assez d'aussi pour tempérer. Être capable de t'acoquiner avec des cancers quand même. Oui, quand même. Là, on a un petit... J'ai un petit jeu pour vous autres, ça va être bien fun. Ça s'appelle les fifs en signe. Fait que en rafale, je vous demande à quel signe ça vous fait le plus penser à la situation que je vous donne. Puis on va essayer de déterminer ensemble. Donc, quel signe... C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'écouter. Oui. Quel signe est le meilleur coup au lit? Il y a une réponse facile à ça. Tout le monde dit scorpion. Ouais. C'est ben quoi? Non, mais c'est ça. Tous les signes. Ça, c'est tricky parce que tous les goûts sont dans la nature. Oui. Chaque signe a son style. Mais là, pas dans le l'absolu, go-to, mais pour c'est vous, scorpion. En fait. Le go-to, c'est scorpion. Mais le grand secret, c'est que les vierges sont excellents au lit. Thank you. Parce que les vierges sont les signes qui connaissent le mieux leur corps. Ils ont une connaissance de leur corps qui est comme vraiment du fine-tuning. Et ça leur permet d'être comme de savourer l'expérience corporelle à un niveau supérieur. Ouais. Moi, je trouve que vierge, taureau, parce que les taureaux sont très sensuels, sensoriels aussi. Oui. Sinon, je trouve que les signes d'eau ont aussi beaucoup d'empathie pour le corps de l'autre et de compréhension de l'autre. Fait que, ça fait des affaires intéressantes. Du care dans l'intimité. Sinon, moi, étant un signe d'eau, l'eau et le feu, ça fait du steam. Ce qui est intéressant. Ceci dit, I can't fuck with Sage. Genre, je peux pas... Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, c'est, ouais. C'est juste un truc de comme ça, y a pas le destin. Y a pas de chimie là. Moi c'est poche parce qu'en rétrospection, je me rends compte que j'ai jamais demandé le signe des personnes avec qui je couche. Eh boy, quelle erreur. Juste avant l'orgasme, non, t'as jamais pensé. Dans le blanc des yeux là. Moi, souvent, ah, puis finalement c'est quoi? Moi souvent je fais du bedroom talk de comme c'est quand t'as fait toi, puis il faut comme girl, tu veux savoir mon signe, je suis comme oui. OK. Quel signe est le plus un emotional mess? Gémeaux. Verseau. Ah. Moi poisson. Ah, il y a pas de consensus. Ouais, il y a pas de consensus non, là-dessus. Mais tout est vrai en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme on est tous des emotional mess. Là. There you go. Oui, là puis comprenez que c'est des opinions personnelles. Ouais, tous les signes ont le droit d'être un mess si vous voulez. Quel signe est le plus player? Il y a deux réponses à ça. Okay. Scorpion. Le Scorpion, il le sait, le Balance, mais il s'en rend pas compte. Ouais, Balance, mais les Balances savent même pas qu'ils sont fake, c'est ça qui me genre ça me transcende, je suis juste comme tu sais, t'es même pas au courant d'à quel point t'es fake. Mais that's it. Sinon, moi le plus player, je trouve que c'est Sagittaire, parce que les Sagittaires adorent jouer. C'est juste qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de jouer puis qu'ils prennent rien au sérieux puis qu'ils sont en train de jongler avec toi. Wow. Ouais. OK. Quel signe est le meilleur wingman? Vierge. C'est les Gémeaux. Moi, je dirais Gémeaux ou Balance. Je leur ferais vraiment confiance. Les Gémeaux viennent toujours par pair. Mais ils sont pas tout, ils viennent pas nécessairement avec un autre Gémeaux. Ils viennent avec un autre signe. Moi, quand je vois des duos dans une soirée, je les approche. Puis je suis comme, c'est qui le Gémeaux dans la gang? Mm-hmm. Puis là, souvent, j'ai raison. Mais pas tout le temps. Mais souvent. OK. C'est qui votre parfait love match? Ça, je refuse de répondre à ça, cette question-là. C'est trop engageant, c'est trop comme... Okay, mais dans mon cas, as a Virgo, c'est sûr que ma réponse, c'est Virgo. Parce que les Vierges m'ont toujours dit le meilleur signe, c'est mon signe. Oh my God, pour vrai. Non, mais je suis le produit d'un couple de Vierges. Ça fonctionne. Oui! Moi, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Puis, non, pour bet you a hoe. C'est pas vrai. That's all it means. Je retire ce que j'ai dit, je veux un taureau. Ah ouais, moi, cancer taureau, ça marche vraiment bien pour moi. Les signes de terre, en général, ça marche bien. Sinon, avec les lions aussi, ça fonctionne bien. Ouais. Scorpion aussi, mais lion puis scorpion, le truc, c'est qu'ils sont trop high maintenance. Genre, c'est des signes qui sont extrêmement demandants. Tu peux pas avoir deux amis lions dans la vie, là. C'est trop demandant. Ils vont chicaner entre eux de toute façon. C'est ça, ils vont chicaner pour ton attention. À moins qu'ils puissent comme bien s'entendre puis elevate themselves puis maintenant se self-suffire sans toi. Mais c'est ça, oui, effectivement. Yep. Quel signe gère le mieux un hangover? Définitivement les capricornes. Parce que ils ressentent tellement la pression sociale, les capricornes, que le lendemain, ils vont marcher drette. C'est vraiment ça. Ils sont sortis, là. Mais ils peuvent pas se permettre de ne pas bien aller publiquement, je crois. C'est un assez bon point. Moi, c'est j'aurais dit bélier. Ooh. Parce que j'ai l'impression que hangover ou pas, le bélier, il va faire sa journée. Je corrobore. Moi, j'y vais avec cancer, juste parce que les cancers ont tendance à materner, puis à être juste dans le truc de comme bois de l'eau, on se prépare, s'assurer que l'environnement est comme le plus accueillant puis le mieux possible. Fait que... On a une team parfaite de hangover là, qu'on vient de créer ici. Oui. OK. Qui est incroyable, mais seulement en one-on-one, c'est-à-dire que c'est un best hidden secret? Cancer. C'est ça, c'est le cancer. Moi, j'ai de la misère avec les cancers introvertis. Étant un cancer super extroverti, je trouve que les cancers qu'il faut vraiment comme entrer dans leur univers, gagner leur confiance, passer du temps, one-on-one avec eux autres, genre, je trouve que c'est demandant. Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vais me contredire. En one-on-one, j'aime les Gémeaux. Si c'est quelqu'un que je connais peu. Ils vont faire un show. Là, j'aime ça avoir une connaissance. C'est quelqu'un que je connais peu, mais que je vois de temps en temps et que je m'entends bien avec, qui est Gémeaux. Ça me fait de bien, ça, pour un petit talk. C'est rarement plate, un Gémeaux. C'est ça. C'est rarement plate. Moi, exactement. Et j'aime être entertain. Moi, les taureaux, je trouve qu'en one-on-one, great. Surtout que c'est pas des gens qui vont nécessairement comme j'aurais dit, puis aller dans des grosses sorties, puis aller dans des. T'sais. Les taureaux chez les taureaux. Tu vas chez le taureau. Chez eux. Ça, c'est la best thing. That's it. OK, quel signe prétend être pig, mais est bien, bien cute au fond? Mais ça aussi, c'est clairement les cancers. Là, on s'entend, c'est sûr. Oh my God, mais parce que cancer, c'est le signe... Tu sais, le concept du cancer, c'est le crabe. C'est la coquille, c'est le masque, c'est la surface. Mm. Souvent, les cancers, ils ont soit un côté tough, soit ils ont un côté pig. Mais au final, tu fais juste les prendre dans tes bras de la bonne façon puis se mettre à brailler puis à trembloter dans tes mains. C'est ma théorie. Literally, mon ascendant verso en ce moment est comme super defensive about this. Mais genre... tu peux me contredire, vas-y. Mais petit dernier... Un petit dernier, OK. Qui a un Instagram avec un esthétique de fuckboy? Taureau. Verseau. Moi, je dirais que c'est... Ouais. Moi, j'avais dit taureau. Mais taureau, c'est le côté sensuel, malheureusement. Les taureaux sont persuadés que leur rapport à comme leur corps doit être comme absolument partagé, puis ce qui peut être positif dans beaucoup de situations. Mais des fois, t'es juste comme... OK, on a compris que comme ça fait oui. comme 8 ans sinon, que j'aurais dit balance, t'sais. Mais les balances le savent pas qu'ils ont l'air d'un fuckboy sur Instagram. Non, encore une fois. Non, c'est ça. C'est encore innocemment. Fait que nous, on s'en va dans Schlag sur Ontario trouver un barista poisson qui soupire en écoutant Safia Nolin. En attendant des clients dont l'aura vont lui rappeler ses erreurs du passé, puis on vous revient dans 30 secondes. Hey, la pauvre barista, elle filait pas fort, mais on lui a montré des photos de chat, ça l'a fait sourire avant de nous faire nos cafés. Oh. Fait qu'on est back. Yay. Puis là, c'est le moment où tu nous traînes dans la boue. Je vous roast. Où je vous astro-roast. Révèle nos plus terribles secrets. Mais. Garde-toi, Guillaume. Mais je vais pas révéler votre. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, bon, je fais aussi du tarot dans la vie, bon, et de l'astrologie. Puis là, les gens sont comme, hey, tu vas pas me dire des mauvaises nouvelles, j'espère. Puis j'ai développé cette tendance à juste dire des belles affaires, puis à être super positif, puis doux. Fait que ça va être très difficile. My Capricorn pour moi. Moon. Hate it. Je pourrais. Bon, on va en parler de ta Capricorn Moon. Okay, Moon. Ta Capricorn Moon. Ta Capricorn Moon. Fait que j'ai ici une, dans mon cell une photo de ta chart. Puis là, j'ai vu justement qu'il y avait une Capricorn Moon dans ton ciel. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la Lune, c'est souvent. Quel genre de personne on cherche dans l'intimité ou comment est-ce qu'on vit notre intimité? Mm-hmm. Puis Capricorne, c'est partnership, mais genre dans tous les sens du terme, genre tu veux faire équipe. Toi, tu es le genre de personne que comme partenaire de sport puis partenaire de lit, c'est comme la même affaire pour toi. Là. C'est comme la même maudite chose. Ouais. Tandis que la lune de Jess est en verso, ça c'est le fun. C'est des essayeux, ça. Ah! Lune, on sait jamais comme qu'est-ce qui va se passer quand on finit par aller en dessous des couettes avec quelqu'un qui a une lune en verso. Surprise! Oui. Sinon, il y a les milieux du ciel que je trouve toujours très intéressant. Parce que les milieux du ciel, c'est la réputation des gens. Ooh. C'est comment on voit les gens de loin. C'est comme les vedettes en général, c'est surtout le milieu du ciel qui transparaît. Par exemple, Charlie, toi, ton milieu du ciel est en Sagittaire. Puis tout ce qu'on a accès. Ben, moi, en général, ce que je vois, c'est juste tes stories Instagram de toi en voyage. Puis je suis comme, il est tout le temps en train de voyager, le tabarnak. Ouais. Tandis que le milieu du ciel de Jess est en taureau. Ce qui fait très comme. Je sais pas, j'ai habité à Laval très longtemps. J'aime ça, la quiétude. Moi, c'est le feedback. Ah on se connaît pas beaucoup, moi, puis lui. Mais j'ai l'idée que t'es quelqu'un de très tranquille. Et il y a un petit peu de feu dans ton ciel, Jess. T'as ton Mars en bélier. Oh. Ce qui veut dire que t'as quand même un côté impulsif. Oups, ça, c'est une dick pic. Excusez, je retourne à ta chart. Puis en plus, Mars est vraiment confortable en bélier aussi. Là. Tout à fait. Mais moi, mon Mars est en taureau, fait que c'est très drôle de voir. Moi aussi, ça. J'ai Mars en taureau, puis c'est tellement le fun. C'est relax, c'est chill. Mars en taureau, toi? Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis c'est slutty as fuck aussi. Là. Ça laisse ses petites habitudes aussi. Mars en taureau, ça aime refaire les mêmes choses souvent. Ça aime ça comme. Listen, when it works, it works. Oui. Mais sinon, il y a des trucs difficiles dans vos ciels. Tout ce qui est next door, fait que tu sais, un signe, il y a des planètes dans un signe, puis dans le signe juste à côté, il y a d'autres planètes. Ça crée souvent des conflits. Puis c'est souvent les pires conflits, mais les gens sous-estiment à quel point ça peut être destructeur. Fait que là, toi, t'as ton soleil. Ben, Charlie, t'as ton soleil en cancer, t'as ton Vénus en cancer. C'est l'enfer. Hein? Mais en lion, t'as ton Mercure et ton Chiron. Grosse histoire, Chiron. On va pas rentrer dans Chiron, ça va être un gros chapitre. Chiron, c'est l'enfer. Mais là, tu sais, il y a un côté chez toi qui est très caretaking, puis t'as une maman intérieure qui est cachée au fond de toi. Mais peut-être pas si cachée que ça, finalement. Mais ton Mercure en lion fait en sorte que les gens s'en rendent pas compte, puis ils pensent que t'es vraiment centré sur toi-même. Ça, là, ça m'arrive tellement souvent. Souvent, des gens qui pensent que je suis quelqu'un de super selfish alors que je passe mon temps à faire du emotional labor puis care pour les gens. Parce que Jess, ta chart est quand même assez santé. Mais il y a quand même un genre de carré bizarre entre ton Mercure en cancer, ton Vénus en bélier, puis ton Neptune en capricorne, puis je veux juste pas savoir ce que ça veut dire. J'aime mieux pas aller là. Ben oui, mais le Neptune... Neptune, c'est la... Neptune, c'est vraiment la planète de l'astrologie. Neptune, c'est comme... Quand tu rêves, puis quand tu vis des expériences transcendantes... Moi, je suis un peu anxieux. Tu sais, quand l'astrologue dit « Moi, je veux pas aller là! » Mais c'est drôle parce que Neptune en Capricorne... Parce que Capricorne, c'est un signe qui est quand même... Il a une tête sur ses épaules, puis il est quand même assez critique. Mais le Neptune en Capricorne, ça fait qu'on a un rapport critique avec les choses du monde de l'ésotérisme. On est comme intéressé d'une façon qui est très intellectuelle. On va intellectualiser l'expérience, qui est une expérience spirituelle. Mais ça, on a ça beaucoup, parce que ça, c'est une planète lente. Ça c'est long. Le Neptune, on l'attend assez, se faire attendre. Fashionably late, là, elle se promène vraiment. Ah dans ouais, yes, girl. Oui, grosse génération ici. Là. Quand même, hein? Sinon, moi Chiron, là, j'ai découvert ça là, vraiment pas longtemps. On parle de Chiron. En tant que cancer, non, mais pour vrai, moi, je suis cancer emotional and deep. Fait que, tu sais, comme Chiron, la blessure originelle, j'étais comme, bitch, I wanna know. Puis moi, c'est terrible. Moi, j'ai Chiron en lion, fait que ma blessure originelle, c'est, je veux juste être spécial. Oui. Oui. C'est ça. The bitch, I wanna be special! Chiron, c'est pas une des lunes de... C'est un planétoïde qui est comme un genre de gros astéroïde. C'est comme faire un immense caca qui aurait comme une volonté propre et qui sauverait de ton bol de toilette. Oh, OK. Ouais, c'est à ce point-là. Fair enough. Ouais, c'est ça. C'est quoi le Chiron à Jess? Le Chiron à Jess, il est. Moi, j'ai explosé ma blessure originelle, c'est pas vrai que la tienne, elle va pas sortir. Ah, c'est notre blessure originelle. Chiron, je le cherche dans ton ciel, il est en cancer. Ah. C'est l'émotion pure. Ah. Peur. Il y a eu quelque chose émotionnellement qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, et là, t'es en train de remettre les bouts ensemble. Sacrement. Oui, constamment. Ouais. Le vase de tes émotions. Oui. Puis, en tant que tel, là, comme notre duo, là, qu'est-ce qui. Ben, c'est surtout au niveau de l'ascendant que ça se passe. Parce que Charlie, ascendant Verseau, on a un ascendant Lion chez Jess, ce qui fait que ça, c'est un complément qui est vraiment parfait. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'ascendant dans la vie. Souvent, en fait, on s'accoquine. C'est vraiment les ascendants plus que les signes, on va se l'avouer, qui font en sorte qu'on s'accoquine ou non. Okay. Puis là, il y a une complémentarité parfaite. Le Verseau, en fait, c'est. Le Verseau aime bien comme miner le désir d'attention du lion, mais d'une façon qui est comme ludique pour le lion. Puis le lion fait juste comme éviter les mines puis sautiller par-dessus ça. Mmh. Fait qu'il y a comme un genre de jeu de soft bitching, caring qui se passe entre vous deux. Oh my God, me and Jess, never! Deux fifs le matin, c'est exactement ça. C'est vraiment cette dynamique-là. Okay. Ah, puis je tiens quand même à dire que Sylvia Riviera et Marsha P. Johnson étaient un duo de Vierge et Cancer. Ah, puis nous autres, on dit souvent qu'on est la version cis whitewash. Mais j'ai des vedettes. J'ai des vedettes avec vos signes pour vous. Attends, là, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Oh, yo, bitch, moi, I know. Genre, Missy Elliott, Ariana Grande. Oui, mais attends, moi, j'ai l'ascendant en plus. Parce que Missy Elliott, attention, elle est cancer ascendant balance, on va pas se tromper. Mm. Tout comme Courtney Love, d'ailleurs. Oh. Mais non, il y avait Pippa Middleton qui était vierge ascendant lion. Nick Jonas qui est vierge ascendant lion aussi, Nicole Richie aussi vierge ascendant lion. Cindy Lauper est cancer ascendant verso, tiens. Bitch. Charlotte Gainsbourg aussi, et ainsi que Khloé Kardashian. All right. OK. Fait que la gang, le sextape s'en vient. Tenez-vous prêtes. Je pense que c'est tout pour notre petite lecture de cartes du ciel. Ben oui. Ça a fait un bon travail. Fait que, comme vous avez compris, nous autres, notre podcast est une manière d'avoir une lecture de cartes du ciel gratis. Yes! Ah, mon Dieu, c'était ça. On s'en va dans Saint-Henri, dans un café minimaliste avec pas de chaise, juste un comptoir où la barista vierge nous dira pas bonjour, va à peine nous regarder, mais va mesurer son café à la perfection avant de nous le faire, puis ça va être sa coche. On vient dans 30 secondes. Alors, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute, et Guillaume, on te remercie tellement d'être venu. C'est moi qui vous remercie, voyons donc. Est-ce qu'on a un petit quelque chose à plugger? Oui. Je vais avoir un nouveau métier la semaine prochaine. Ooh, bitch. Le nouveau métier sera, attention, vous allez capoter, scénariste de films porno tremplin. Oh, il va falloir. Ouais, il va falloir que vous me réinvitiez. Oui. Définitivement, on n'a pas le choix d'en rejaser. Bet you back for sure. Je peux pas trop en parler un peu, je suis comme il y a du confidentiel, mais on va pouvoir échanger sur le sujet, je pense. Yes! Parfait. C'est une invitation à se revoir. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2 fifs avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par le virus des mœurs. Puis le matin, tout en un mot! Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Et d'ici à la semaine prochaine, vous pouvez lire vos cartes du ciel et aller vous renseigner sur votre signe et vos placements. Et on se revoit dans une semaine. Bye les moons! Bye les moons! Bye les moons!